Radiomatic. C'est à l'artiste américaine Meryl Garbus et son projet Tune Yards que revenait la responsabilité d'ouvrir la transmission 307 d'Audiomatic de son plus récent album studio intitulé I Can Feel You Creep Into My Private Life et sorti en 2018. Nous vous présentions la chanson Home. Pour les sonoristes, Les sons et par extension la musique forment un langage expressif qui a traversé des milliers d'années sous différentes formes pour accompagner la vie des humains et qui occupe une place centrale dans leur éducation sentimentale. Rien de mieux pour représenter cette pensée en tenant compte de la dualité sentimentale que d'écouter la reprise que nous offre le Sonora Orchestra de la pièce Smile composée par Charlie Chaplin. Just smile.

helplessness we can come if people just believe it can be done. 'Cause every prayer ever prayed is heard. Take power in the power of the word. Out of history we have come with great hatred and little room. It aims to break our hearts, wreck us up and tear us all apart. But if we listen to the Rasta man, he can show us how it can be done. To live in peace and live as one, get our names back in the book of life on the line. Out of history we have come with great hatred. À Audiomatic, c'était l'artiste Sinéad O'Connor et sa pièce The Lamb's Book of Life tirée de l'album Faith and Courage paru en 2000. Avant celle-ci, c'était Peter Murphy, ex-membre et chanteur de la formation Bauhaus, qui nous offrait A Strange Kind of Love dans une version apparaissant sur l'album Deep sorti en 1989. Et on amorçait la séquence musicale avec Sun Ra et sa reprise de la pièce Smile, composée en 1936 par Charlie Chaplin pour son film Modern Times. À l'origine, il s'agissait d'une pièce instrumentale sur laquelle John Turner et Jeffrey Parsons ont un peu plus tard apposé des paroles. Dans la version que nous avons entendue, c'est la chanteuse June Tyson, membre du Sun Ra Orchestra, qui interprète les paroles de Smile. Nous enchaînons sans plus s'attarder à Audiomatic avec le groupe canadien Braids. Not birth from luck, slow and steady growth.

Thank you. 銭をもらわなきゃ、え、何が何でも井筒屋から銭をもらわなきゃ。 En conclusion de ce segment musical à Audiomatique, il s'agissait de la pièce « Relax » interprétée par le groupe britannique The Glove, qui n'a existé que le temps d'un album, « Blue Sunshine », lancé en 1983. La formation The Glove était en fait un projet parallèle de Robert Smith, chanteur et guitariste du groupe The Cure, et Steven Severin, bassiste du groupe Siouxsie The Banshees. Mentionnons qu'à cette époque, soit de novembre 1982 à mai 1984, Robert Smith fut guitariste pour Siouxsie The Banshees. Tout juste avant The Glove, nous avions droit au projet allemand Apparat, mené par Sacha Ring, qui nous offrait la chanson Heroist, extraite de l'album LP5, paru en 2019. Et pour débuter, le groupe albertain Braids, qui semble toujours basé à Montréal, nous proposait la chanson Eben, que l'on peut retrouver sur leur deuxième album studio, Flourish Perish, paru en 2013. Audiomatique se poursuit avec la Gauski. audiomatique, cette séquence de deux pièces se terminait sur la composition Mind Hallucination de la formation danoise Birmingham Six, réalisée en 1994 pour l'album qui porte le même nom que la pièce. Avant Birmingham Six, nous entendions Lagowski, le projet solo d'Andrew Lagowski, et sa pièce Blue Sparks se retrouvant sur l'album Wire Science, paru en 1993. Puisque nous devons mettre un terme à cette transmission 307 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire jouer Zola Jesus, le projet de l'artiste américaine Nika Rosa Danilova. De son album Taiga, lancé en 2014, nous avons choisi pour vous la chanson Hollow. Les sonoristes anticipent déjà la transmission 308 d'Audiomatique en se compromettant à la réaliser en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM mercredi prochain dès 17h et ensuite à la rendre disponible dans les environnements numériques adéquats au premier chef sur notre profil mixcloud.com/audiomatique. Les liens vers les anciennes transmissions sont également accessible sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Voici donc Zola Jesus et la pièce Hollow. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Never the same.